إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Nous sommes toujours donc dans la série de hadiths sur la croyance et le suivi de Sheikh, expliqué par Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, hafidhahu Allah ta'ala. Et avant de commencer, je voudrais donc m'excuser pour la semaine passée, pour mon absence la semaine passée. J'ai eu un accident à la main, comme certains, la plupart d'entre vous le savent, j'ai donc dû me rendre aux urgences. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on reprend ce qu'on devait faire la semaine passée, c'est-à-dire la fin du 9e hadith et la suite. Moi, je vous propose autre chose, c'est qu'on reprenne le 9e hadith complètement. Il y a eu comme 2 semaines entre le début du 9e hadith et aujourd'hui, donc je pense qu'il convient de revenir au début du 9e hadith, de reprendre à partir du matn, tahrij, sharh, etc., depuis le début. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Inch'Allah. Hein? D'accord. Donc, Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, et pour les gens qui veulent avoir plus de renseignements, je me réfère plus, je fais pour les gens qui sont sur Internet, qui sont sur Paltalk, par rapport à qui est Sheikh Rabi', quel est le livre qu'on est en train d'étudier, pourquoi est-ce qu'on est en train d'étudier, etc. Quelle est l'importance d'étudier dans la religion. Ils peuvent revenir à la série de cours qu'on a fait en guise d'introduction, qui sont au nombre de 4, je pense. Inch'Allah, ils sont disponibles à la Maktaba Salafia, ils sont enregistrés. Si les gens veulent commander, Inch'Allah, ils peuvent, Inch'Allah, prendre contact avec le frère qui s'occupe de la technique et du Paltalk tout de suite. Ils peuvent lui envoyer des messages, Inch'Allah, pour avoir plus de détails. Donc, je ne vais pas m'attacher à cela, on continue directement, Inch'Allah ta'ala. Donc, Sheikh Rabi' dit, le hadith ou tasi', 9e hadith, Sidqul Iman. عن أنس رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Donc je répète le hadith. وعن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجه البخاري ومسلم. C'est donc ce qu'on appelle un hadith متفق عليه. Donc أخرجه البخاري في كتاب الإيمان وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان كذلك. Donc on traduit le hadith ensemble comme on fait d'habitude, Inch'Allah, avant de s'attacher au tahrij et à la biographie du rapporteur du hadith. D'après une narration, donc d'après Anas, qu'Allah l'agré, radiallahu anh, que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, l'un d'entre vous ne croira pas, et on a expliqué qu'est-ce que voulait dire ne croira pas, hein, on reprendra aujourd'hui, Inch'Allah, on traduit tout simplement de manière, Inch'Allah, ni littérale, et ensuite on reviendra au détail, l'un d'entre vous ne croira pas tant que je ne serai pas plus aimé par lui que son enfant et son père et tout le monde. Donc ça c'est pour le hadith. Le hadith qu'on m'en a dit, il est rapporté par le Bukhari. Donc on a dit, chaque fois qu'on dit rapporté par le Bukhari, évidemment c'est dans son sahih, dans son authentique. Chapitre de la foi, Kitab al-Iman, et Muslim également dans son authentique, chapitre de la foi, Kitab al-Iman. Alors qui est le rapporteur du hadith? C'est Anas ibn Malik. Est-ce qu'on fait sa biographie? On la refait pas, pourquoi? Parce qu'on l'a fait dans le hadith numéro 7, naam, sahih. Donc sa biographie était déjà rapportée lors du 7e hadith. Qui peut me rapporter quelques points de sa vie sans regarder les notes? pour voir si vous avez un peu, on va rafraîchir un peu les mémoires, inshallah. Qui est Anas ibn Malik radiallahu anhu wa arda? Naam, tfadl. C'est un Ansari. C'est tout? Quelle est sa position par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Combien de temps il est resté avec lui? Combien de temps il a vécu? Il a eu une longue vie, Anas radiallahu anhu wa arda. Hein? Je vois des frères qui hochent la tête, hein? Qui, en guise de montrer qu'ils sont d'accord, ça veut dire qu'ils sont gênés pour parler. Hein? Il n'y a pas de haya dans la religion. C'est, il faut, pour la science en tout cas, il faut lever la main, inchallah, et donner la réponse. Il ne faut pas avoir peur, naam. Il était au service du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, naam, pendant, naam, 10 ans, c'est ce qu'on avait dit. C'est un des compagnons qui a rapporté le plus d'ahad. Pouvez-vous aider des notes maintenant, si vous voulez, parce que... Hein? Qui a rapporté parmi ceux qui a rapporté beaucoup de hadiths, naam, qu'est-ce qu'on peut rapporter? Pourquoi? Parce qu'il était justement au service du prophète, c'est-à-dire dans sa proximité directe pendant 10 ans. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut rapporter d'autre? Regardez vos notes, oui, naam. Il faut que tu sois sûr. Hein? Allez, j'attends, inchallah. Il a rapporté 1286 hadiths. Et là, j'avais rapporté une faïda qui était importante, c'était qu'il avait rapporté dont. Donc 1268. Non, 1286. Hein. Mais donc dans les 1286 hadiths, il avait rapporté 168 hadiths dans Bukhari et Muslim. C'est-à-dire que parmi ces hadiths, il y a 168 hadiths qui sont parmi le Muttafaq alayh. Hein, ou bien plutôt ici, on va dire pour le pluriel, Muttafaq alayha. 168 hadiths, c'est important. Donc ça veut dire qu'Anas ibn Malik, il a 168 hadiths dans les deux authentiques, Al-Bukhari wa Muslim. Il a rapporté 1286 hadiths. C'est ce que Cheikh Rabi'a nous avait rapporté. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc il a vécu combien d'années? Plus de 100 ans, naam. Quoi d'autre par rapport à sa vie de spécial? Il est mort al-Basra, naam. C'est tout? C'est tout ce qu'on avait dit? Donc on continue, Inch'Allah. Donc ça, c'était pour sa biographie. Je lis le charh, inshallah, comme on faisait d'habitude, et ensuite on traduit ensemble. Le charh ou l'ijmali l'hadith, c'est-à-dire le sens général du hadith, comme on a dit à chaque fois. Donc, Cheikh Rabi' nous dit لن يكون المرء مؤمنا حق الإيمان حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إليه ممن تربطه بهم روابط القراب القرابة والنسب أو روابط الصداقة والمصلحة. فإذا كان حبه يفوق من أنجبه ورباه من والدة وأب وجد وجدة ويفوق حب أفلاذ كبده ويفوق حب الزوجة والعشيرة وسائر من تربطه بهم علاقة اجتماعية أو سياسية أو تجارية أو أي رابطة أو مصلحة إذا كان حاله كذلك فإنه حينئذ يكون مؤمنا حقا. Donc qu'est-ce que Cheikh Rabi' nous dit dans cette première partie de l'explication? C'est un point très important. C'est que l'individu ne sera croyant de la vraie croyance que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sera aimé par lui plus que ceux qui font partie de ses proches ou avec lesquels il a des liens de parenté ou des liens d'amitié et d'affaires. Si son amour dépasse celui qu'il a mis au monde, c'est-à-dire l'amour de celui qui l'a mis au monde, c'est ça qu'il faut comprendre, et l'a élevé comme sa mère, son père, grand-père, grand-mère, et dépasse l'amour de ses enfants qui sont la prunelle de ses yeux. On avait rapporté une faïda dans la langue arabe, ici Cheikh il n'a pas dit la prunelle de ses yeux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aflad kabide, hein? C'est, moi j'ai traduit ça par la prunelle de ses yeux, c'est ce qu'on utilise en général pour les enfants en français, mais en arabe on fait référence au foie, pas aux yeux, d'accord? Même pour les frères maghrébins, hein, ils ont sûrement entendu leur mère dire le kabide diali, hein, mon foie, hein, vous appelez, vous savez pourquoi, hein. Donc que ce soit donc son père, sa grand-mère, sa mère, son grand-père, etc., et dépasse l'amour donc même de ses enfants qui sont la prunelle de ses yeux, et dépasse l'amour de son épouse et sa famille et tous ceux à qui il est lié par des liens sociaux ou politiques ou commerciaux ou n'importe quel autre lien ou affaire, quelque lien que ce soit, si telle est sa situation, il sera alors un vrai croyant. Et là, on a déjà donc l'explication de ce qu'on avait dit qu'il ne croira pas. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Naam, de la vraie croyance, comme on a dit. Donc, Cheikh continue en disant ici, حفظه الله وعلامات ذلك أن يقدم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Je rappelle l'obligation de dire صلى الله عليه وسلم lorsqu'on entend son nom عليه الصلاة والسلام. على كل طاعة وغيرها وما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ما يحبه جميع الناس قريبهم وبعيدهم ولو أسخط جميع الناس. Donc un point très important ici, et le signe de cela, comment est-ce qu'on va voir cela? Al-alama, c'est quelque chose d'apparent, hein? Le signe, comment on peut savoir cela? Le shir le dit, c'est qu'il fasse passer l'obéissance à Allah et à son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, avant toute autre obéissance que ce soit. Et qu'il fasse passer ce que Allah aime et son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, aime avant tout ce qu'aiment tous les gens, yani qui que ce soit. Qu'il soit proche ou éloigné. Même, écoutez bien ça, même s'il doit mettre en colère ou irriter tout le monde. D'accord ? On continue, Inch'Allah. Vous avez dit que le hadith était très court, donc je pense qu'aujourd'hui, Inch'Allah, on aura le temps d'en faire trois, Inch'Allah. À mon avis, on ira jusqu'au 11e, Inch'Allah. On va prendre du temps un peu pour des questions-réponses. Il y a des frères aussi qui ont mémorisé le hadith, qui veulent réciter. Hein? Inch'Allah, ils seront le bienvenu. Donc, Cheikh continue en disant: وَلَا يَجِدُ حَلَوَاتَ الْإِيمَانِ حَتَّى تَتَوَفَّرَ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ كَمَا فِي حَدِيثِ أَنَسٍ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَوَاتَ الْإِيمَانِ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار فإذا وجدت هذه الثلاث فعلا وجد بهن حلوة الإيمان وأصبح لا يخشى في الله لومة لائم ولا يبخل بنفس ولا مال في سبيل الله. Donc Cheikh Rabi, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Donc il ne goûtera la foi que lorsqu'il aura regroupé trois caractéristiques. Et je demande aux frères, inchallah, parce que alhamdoulillah, je vois que tout le monde note, de bien souligner ces trois caractéristiques là. Hein? En lui, donc trois caractéristiques qui doivent être en la personne, d'accord? Trois caractéristiques. Donc vous mettez 1 2 3. Quelles sont ces trois caractéristiques-là? Donc, Cheikh dit, il ne goûtera la foi que lorsqu'il aura regroupé trois caractéristiques en lui. Comme cela, c'est quoi le dalil de ça? C'est quoi la preuve de ça? Comme cela est rapporté dans le hadith d'Anas. Rapporté aussi dans le Bukhari ou Muslim. De qui on venait de parler? D'Anas, qui avait rapporté 168 hadiths dans le Bukhari ou Muslim. Oh, là, il y en a un ici, déjà. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit, Anas, par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, c'est-à-dire qu'est-ce que nous rapporte Anas du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc la traduction de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, trois choses, lorsqu'elles sont en une personne, elles goûtent par cela la foi. Donc trois choses. Lorsqu'elles sont en une personne, elles goûtent par cela la foi. Hein? Première chose, qu'Allah et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam soit plus aimé par lui que toute autre chose. Donc je répète, qu'Allah et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam soit plus aimé par lui que toute autre chose. Si les gens sur internet ont des blancs, c'est parce que les frères ici sont tous en train de noter, et je recommande aux gens sur Paltalk également de noter. On avait rapporté le pourquoi dans les premiers cours. Deuxième point, qu'il n'aime un individu que pour Allah. Et ça, normalement, on devrait faire une série de cours que là-dessus. Il n'aime un individu que pour Allah. Il dit, la yuhibbuhu illa lillah, que pour Allah. Donc ça, c'était la deuxième caractéristique, la deuxième chose. Troisième, je peux y aller? Troisième, qu'il déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il déteste qu'il soit jeté en enfer. Donc, il déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, Hein? Comme il déteste qu'il soit jeté en enfer. Donc ça, c'est les trois choses, d'accord? Maintenant, cher, continue en disant, alaykoum salam wa rahmatullah. Si ces trois choses sont réellement présentes, tu pourras, inchallah, te mettre en ordre pour les trois points que je viens de citer après, si tu veux, ou si on a le temps, je les répéterai après, ça va? Si ces trois choses sont réellement présentes, alors il goûtera la foi. Et il n'aura peur de personne en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne sera avare ni de sa personne, ni de ses biens dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Cheikh ici va citer une parole d'un savant qui mérite également d'être notée. Et ça répond à ta question, Al-Malik. Tu te souviens sur l'amour? Tu te souviens? Tu m'avais posé pour les genres de... Naam. Ici, Cheikh répond ici en partie à ta question de... Il y a quelques cours déjà, Inch'Allah. Ça va? Donc, قال صاحب القول السديد. Donc, celui qui écrit, quand on dit صاحب القول, c'est celui qui écrit le قول السديد. Le قول السديد, c'est un livre. D'accord? Page 112. J'ai pas eu le temps de vérifier, mais je pense qu'il fait référence à Cheikh Saadi, rahimahullah. Parce que Cheikh Saadi, son Sharh Kitab Tawhid, il l'appelait le قول السديد fi Sharh Kitab Tawhid. وعلم إيش؟ donc je lis d'abord en arabe. وعلم أن أنواع المحبة ثلاثة. الأول يعني النوع الأول محبة الله التي هي أصل الإيمان والتوحيد. الثاني المحبة في الله وهي محبة أنبياء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم. ومحبة ما يحبه الله من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرها وهذه تابعة لمحبة الله ومكملة لها. الثالثة النوع الثالث محبة مع الله والعياذ بالله وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من شجر وحجر وبشر وملك وغيرها وهي أصل الشرك وأساسه. Donc je traduis cette parole de Sahib al-Qawl al-Sadid, hein? Page 112. Donc l'auteur de Al-Qawl al-Sadid a dit, page 112, et sache que les genres d'amour, hein, naw, anwa, pluriel, naw'un, anwa'un, hein, les genres d'amour sont au nombre de 3. Naam. Le premier, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fondement de la foi et de l'unicité. Hein? Aslu, qu'est-ce qu'il dit, Cheikh? Aslu l'iman et le tawhid, qui est le fondement de la foi et de l'unicité. Deuxième type d'amour, deuxième genre, l'amour en Allah. Donc le premier, c'est l'amour d'Allah. Deuxième, c'est l'amour en Allah. Vous voyez la différence directement. Et c'est l'amour des prophètes alayhi salatu wassalam d'Allah, hein, les prophètes d'Allah alayhi salatu wassalam, et de son envoyé sallallahu alayhi wasallam. Et qu'est-ce qui ici il spécifie plus? Qui? Mohammed sallallahu alayhi wasallam, par rapport aux autres prophètes. Et de leurs suiveurs. Les suiveurs de qui? Des prophètes, alayhi salam. Et l'amour de ce qu'Allah aime. Mais de ce qu'Allah aime comme quoi? Comme action, comme époque, lieu, hein, des lieux et autres. Et ce genre-là, donc ce deuxième genre-là d'amour, il découle du premier et le complète. Le parachève, pour être plus littéral, le parachève, hein, le complète. Le troisième genre d'amour, et ça c'est celui qu'il faut éviter, le adou billah, parce que c'est l'amour qui rentre dans le shirk, c'est d'aimer avec Allah. Regardez ici la précision du shirk. Le premier, c'était l'amour d'Allah. Le deuxième, c'est l'amour en Allah. Et le troisième, c'est l'amour avec Allah. Donc les deux premiers, on doit les avoir. Le troisième, on doit l'éviter. D'aimer Allah avec Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est l'amour des associateurs. c'est l'amour des mushrikin. C'est-à-dire que tu aimes Allah et tu aimes quelqu'un avec Allah. Et c'est l'amour des associateurs pour leur divinité. Et là, on comprend directement ce que ça veut dire. Quand il fait référence aux associateurs, comment ils aiment leur divinité, hein? C'est clair. Et leurs semblables parmi les arbres, les pierres, les humains, les anges et autres. Et celle-ci, c'est-à-dire ce genre-ci, c'est ce genre d'amour-là, est le fondement et la base de l'association. Donc le premier, c'était quoi? Le fondement et la base du Tawhid. Et le dernier, c'est la base et le fondement du shirk, de l'association. Naam. Vous voyez, shirk, toujours la méthodologie est excellente. Hafidhahullah ta'ala. Donc, hein, vous voyez, il y a la méthodologie ici. Le premier, l'amour d'Allah. Deuxième, l'amour en Allah. Et le premier, c'était quoi? Le fondement de la foi et l'unicité. Et le troisième, c'est l'amour avec Allah. Comme l'amour des associateurs. Et c'est celui qu'il faut éviter. Et c'est le fondement et la base de l'association, le shirk, l'a'udhu billah. On arrive à la fin du hadith, l'explication du hadith. Maintenant, synthèse bien faite tirée du hadith. Hein? Et vous savez, les tirez vous-même. Ma yustafadu min al-hadith. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith comme bien fait? Al-fa'idatu l'oula. Al-mu'minu haqq al-iman. هو الذي يقدم حب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حب الناس. D'accord? Je vais le traduire après, inshallah. الفائدة الثانية, pour les frères qui veulent s'entraîner à écrire en arabe, c'est un bon exercice aussi. خص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولد والوالد في هذا الحديث لتعلق المرء بهما أكثر من غيرهما من الناس في المحبة وغيرها. Troisième فائدة. الفائدة الثالثة. Qu'on tire toujours du hadith. في هذا الحديث توجيه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الاقتداء به أولا وقبل غيره من الناس. وهذا هو الواجب على كل المؤمنين. Maintenant, on traduit cette partie-là qui est très importante parce que c'est la synthèse de l'explication du hadith. Et c'est important parce qu'on rentre dans hein, des choses qui touchent depuis ce qu'on fait depuis le début, Tawhid al-Aqida. Donc, Inch'Allah, de bien se concentrer. Donc, premier bienfait tiré de ce hadith, le croyant d'une vraie croyance, c'est qui? Est celui qui fait passer l'amour de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ici, le cheikh a utilisé le mot Mustafa. Qu'est-ce que veut dire le mot Mustafa? De quel verbe vient le mot Mustafa? Istafa. Hein? Qui veut dire? Qui veut dire? Vas-y, continue. L'idée que tu as dit, c'est juste. Hein? Vas-y. Les frères. Istafa. C'est comme s'il l'avait choisi parmi les gens. Istafa ou? Hein? Donc, on a dit quoi? On a dit que c'est le croyant d'une vraie croyance et c'est lui qui fait passer l'amour de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, al-Mustafa comme il l'a appelé, avant l'amour des gens. Donc ça, c'est le premier bienfait tiré de ce hadith. Deuxième bienfait, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a cité dans ce hadith l'enfant et le père de manière plus particulière. On a vu que c'était l'amour de... Il fallait faire passer avant qui que ce soit, ça ou là? Hein? Oui ou non? Mais pourquoi la cité plus particulièrement? Ça, vous devez être capable maintenant à se graisser du livre. Ça fait le 9e hadith qu'on fait, de vous poser ce genre de questions maintenant. Parce que Cheikh Rabi, il a fait ce livre, on avait dit pourquoi? Pour former les tullab al-ilm. Hein? Et pour les aider à apprendre à extraire des hadiths les bienfaits, les fawa'id, les ahkam. Donc là, vous devez être capable. Vous devez être capable que de voir, vous souvenez le hadith d'Abdullah ibn Abbas, quand le professeur l'a envoyé Mu'ad au Yémen, il lui a dit, hein, fa'alimu anna Allah qad iftarada alayhim sadaqatan tu'akhadhu min fuqara'i min aghniyahim faturaddu ala fuqara'ihim. Pourquoi est-ce qu'il a cité fuqara en particulier? Ou pourquoi il a cité uniquement le fuqara? Et Cheikh Rabi' avait tiré de ça qu'on pouvait donner la zakat qu'à un seul genre de personnes qui méritent la zakat, qui ont le droit d'avoir la zakat. Donc maintenant, ce genre d'exercice-là, vous êtes capable de le faire. Pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Hein? Mais il a dit ahabba ilayhi min walidihi wa walidihi wa an-nas ajma'in. Nas ajma'in, tout le monde. Et avant, il a cité deux plus particulièrement. Exactement, c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc vous voyez que vous êtes capable vous-même, c'est quoi? Et Cheikh le dit ici, je le traduis. Le messager d'Allah a cité dans ce hadith l'enfant et le père de manière plus particulière, car l'individu y est attaché plus qu'à n'importe quelle autre personne parmi les gens. On dit en arabe, on dit ablar. C'est plus, hein? Quand le professeur nous a parlé comme ça, ça, c'est plus clair, ça nous touche plus. Pourquoi? Parce que c'est, hein, les personnes qui nous tiennent le plus au cœur. Donc, hein, donc ces personnes-là, on doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala, et son messager sallallahu alayhi wa sallam, plus que ces gens-là, qui sont les plus aimés de nous après eux, évidemment. Donc on doit les aimer, car pourquoi? Donc on a dit, car l'individu y est attaché plus qu'à n'importe quelle autre personne parmi les gens, dans l'amour ou toute autre chose. Il a dit, Cheikh, li ta'alluq al-mar'i bihima akthar min ghayrihima. Troisième faïda et dernière, inshallah, troisième bienfait. Il y a dans ce hadith une orientation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vers le fait de le prendre en exemple, en premier. Et ce, avant toute autre personne. Et c'est ce qui est obligatoire à tous les croyants. Et ça, c'est le ma'na de quoi? Shahada anna Muhammad Rasulullah, c'est ça le ma'na. Quand on dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qu'est-ce que ça veut dire? La ilaha illallah, ça veut dire la ma'bouda bi haqqin illallah. Mais qu'est-ce que ça veut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la matbou'a bi haqqin illa Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il n'y a de suivi avec vérité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que toute personne qu'on suit, on doit le suivre dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toute personne qui est suivie dans autre que le suivi du prophète, elle est suivie de manière vaine et fausse. Faqad ittubi'a bi batil, comme il a dit le Cheikh al-Wassabi dans le Qawl Mufid. Hein? C'est important ça. Et avec ça, on a fini le 9e hadith. Quelques questions-réponses, Inch'Allah, pour bien ancrer les enseignements qu'on a pris aujourd'hui, Inch'Allah. Comme d'habitude, je désigne pas, c'est question ouverte, Inch'Allah. Donc celui qui veut, c'est sur la base du volontariat, hein. Celui qui veut, Inch'Allah, participer, je recommande, en sachant que Cheikh Mokhbir, rahmatullah alayh, hein, et c'est ce que fait notre frère Hassan Somali quand il vient ici, hein, il était là avant-hier, il a fait une belle kalima, Inch'Allah, quand il est dans les dorates ici, il dit de se lever devant tout le monde, hein. Et il y a pas mal de gens ici à la mosquée quand les dorates. Donc ça je le ferai pas, mais Cheikh Mokhbel le faisait, hein. Il disait yani عندي سؤال من صاحبه, hein, j'ai une question, qui veut répondre, hein, يقول انا, dis-moi, hein, et après il disait anta gom, lève-toi, anta gom, et tu devais citer citer un hadith, tu devais citer avec sanad, حدثنا عبد الله بن حدثنا مالك عن سعيد بن يحيى حدث, tu devais citer. Et ça éduque. Pourquoi? Parce que nous on a peur de parler devant les gens, moi en premier. C'est difficile et pourtant on ne doit pas avoir peur, c'est din, din Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça éduque. Mais Inch'Allah, pour commencer, Inch'Allah, c'est la base du volontariat. Donc première chose, qui rapportait le hadith et qui s'est me rapporté le sens du hadith, que ce soit en arabe ou en français. Celui que l'on a étudié par cœur, peut-être qu'ils peuvent même le rapporter en arabe. Tfaddalou. Je vois tout le monde qui se cache là. Yallah, il ne faut pas avoir peur. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Est-ce que vous avez rapporté des choses qu'on a vues? Les différents types d'amour, les différents fawa'id? Levez la main, allez-y. Bismillah, yallah. Tukla Allah. J'en vois un qui veut se lancer. Vas-y, tfada. Hein? Personne? C'est qui a rapporté le hadith? Anas ibn Malik, barakallahu fik. Le hadith, il est dans? Donc, il est muttafaq alayh. Qu'est-ce qu'il dit le hadith? Aidez-vous des notes si ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il dit le hadith? Na'am, barakallahu fik. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Que personne de vous ne croira. Et qu'est-ce qu'on avait, on a dit dans, maintenant on a vu dans le charh, que la croyance vraie, hein, tant qu'il n'aimera pas qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus que qui? Son père, son enfant et tous les gens. Pourquoi il a cité le père et le fils de manière plus particulière? Parce que c'est les personnes auxquelles on est le plus attaché. Hein? Donc c'est pour vraiment montrer l'amour qu'on a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même ces gens-là auxquels on est très attaché et auxquels on est le plus attaché, eh bien malgré ça, on doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que eux. Hein? Quels sont les trois types d'amour qu'on a vus? Les trois genres d'amour. Même si c'est pas dans l'ordre, hein, vas-y. Il y en a un qui a donné une bonne réponse. C'est l'amour d'Allah, le fait d'aimer Allah et le fait d'aimer Allah. L'amour d'Allah. Aidez-vous avec les mots comme on a fait, l'amour d'Allah, et après il y avait l'amour en Allah, et puis il y avait l'amour avec Allah. Vous avez des moyens mnémotechniques qui vont vous aider de. Hein, Hubbullah. Le hubbu fillah ou le hubbu ma'allah en arabe. D'accord? Première chose était hubbullah subhanahu wa ta'ala. Et l'amour de qui d'autre? Qui découle de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? L'amour de tous les prophètes salam, et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad et des gens qui les suivent, yani des suiveurs des prophètes. Hein? D'accord? Hein? Ça c'est l'amour, c'est le deuxième. Après on a l'amour en Allah. On a l'amour en Allah en deuxième. C'est quoi l'amour en Allah? C'est le fait d'aimer ce que Allah il aime comme action, lieu, et par rapport au fait d'aimer quelqu'un. C'est quoi? Comment est-ce qu'on doit l'aimer? On doit l'aimer. On doit l'aimer que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Après ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Le dernier, c'était? Donc le premier, c'était le fondement de la base du Tawhid et de la foi. Le troisième, c'est l'amour avec Allah. Qui est l'amour de qui? Des croyants ou des associateurs? Des mouchrikines, des associateurs. Qui est la base du shirk, la base de l'association, na'am. Hein? Comme ils aiment leur divinité, comme même les arbres, même hein? Les anges, yani, qui que ce soit, on ne peut pas aimer avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ça, c'était un bon point. Qui sait me rapporter maintenant pour terminer les trois fawaïd, ou une des trois en tout cas, qu'on a vu, les trois bienfaits qu'on a qui sont tirés de ce hadith? Aidez-vous des notes, hein, c'est pas un problème, Charles. Mais normalement, vous devez être apte à en citer au moins quelques-unes de mémoire maintenant, si vous avez écouté le date. Tfadal. Naam. Donc, la première, c'était. Le croyant d'une vraie croyance, parce que c'est ça le sujet du cours, et celui qui fait passer l'amour de son messager, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avant l'amour des gens. Voilà. Tuqaddim. Retiens ça comme ça. Tu fasses passer l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'amour de tout autre que lui. On parle des gens, hein, d'accord? Ça, c'est le premier. Deuxième. Naam, barakallahu fik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité plus spécifiquement l'amour du père et de l'enfant. Pourquoi? Parce que c'est les personnes auxquelles on est le plus attaché en général, hein, pour bien montrer l'importance de, hein, l'importance de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quel degré de ça doit être, et au-dessus de ça. D'accord? Troisième et dernière, inshallah, et avec ça on a fini le neuvième hadith. Ah, c'est très important aussi. C'est-à-dire qu'il y a dans ce hadith, et le mot arabe ici qui est utilisé, c'est tawjih, orientation. Hein? Le fait d'orienter, de donner une orientation à quelqu'un. C'est le prophète Hassan, dans cet hadith-là, il nous montre, en fait, c'est ça qui est voulu ici, il nous montre, il nous donne une orientation vers le fait de le prendre en exemple, en premier, et ce, avant tout autre que lui. D'accord? Ça, on pourrait dire en arabe, tajrid ou l'ittiba. Et c'est ce qui est obligatoire à tous les croyants. Donc c'est quelque chose d'obligatoire ou de préférable? D'obligatoire, de wajib. Hein? Avec ça, on a fini le 9e hadith, inshallah. On commence le 10e, inshallah. Al-hadith al-ashir. At-tamassuku bil-kitabi wa-sunnah wa-sunnati al-khulafa'i al-rashidin. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه أحمد وابن ماجه والدارمي. Donc qu'est-ce que nous dit ce hadith ci et par qui il a été rapporté? Donc, et je vous le donne déjà en guise de titre, parce qu'on avait dit le fiqh fait tarajum. Le fiqh d'une chose, c'est dans le titre du chapitre. Comme dans Bukhari, mashallah. Comme dans Sahih Bukhari, on dit que le Bukhari, le fiqh fi tarajumihi. Fiqhuhu fi tarajumihi. Son fiqh est dans le chapitre. Et qu'est-ce qu'on avait donné comme exemple pour ça? Que tout le monde connaît dans Usul Talata. Chapitre de la parole, non de la science avant la parole et l'action. Wa dalil qawlu ta'ala. Déjà dans le titre, vous avez compris. Et ensuite, il rapporte le dalil. Et si regardez qu'est-ce qu'il dit ici, hadith numéro 10, le fait, l'attachement au Coran et à la Sunna, le fait de se cramponner littéralement à Tamassouk, des califs bien guidés. L'attachement au Coran et à la Sunna, et à la Sunna des califs bien guidés. Donc l'attachement au Coran et à la Sunna, et la Sunna des califs bien guidés. Et après, on va rapporter une petite faïda dans la langue arabe ici. Hein? Parce qu'on voit qu'il y a deux Sunna, mais on verra que c'est pas tout à fait le cas. Donc d'après Abu Najih, l'Irbad bin Sariyah, c'est un hadith qu'en général vous connaissez tous, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous fit un sermon qui mit la crainte dans nos cœurs. Mettez-vous un peu dans ces situations-là. Hein, et fit verser des larmes. Nous dîmes alors, ô envoyé d'Allah. C'est comme si c'était le sermon de quelqu'un qui nous fait ses adieux. Et ici, hein, attention, je l'écris adieu sans X. Parce qu'en français, on l'écrit adieu. Quand on dit adieu à quelqu'un, on fait ses adieux au pluriel. Hein? Ils mettent Dieu au pluriel. D'accord? Donne-nous des recommandations. Il dit, je vous recommande la crainte d'Allah. Et d'écouter et d'obéir, même si celui qui gouverne est un esclave. Celui qui vivra d'entre vous verra beaucoup de divergences. Donc le professeur, qu'est-ce qu'il nous montre ici? Il nous montre le mal qui va arriver. Mais il nous laisse comme ça sans rien. Il nous donne le remède qui suit. Regardez directement. Attachez-vous à la masunna et à la sunna des califs bien guidés. Après vous, mordez-y à pleines dents et prenez garde aux innovations, car toute innovation est un égarement. Et ce hadith, il est rapporté par. Naam, d'abord, on va citer Abu Daoud dans Sunan, dans Kitab Sunnah, par At-Tirmidhi et dans Sunan, Kitab l'Ilm. وقال كان دي وقال سكي ترمذي نعم قال حديث حسن صحيح ورواه احمد on va pas expliquer ici qu'est-ce que veut dire hasan sahih pour Tirmidhi sinon on va entrer dans le mustalah hein mais ça peut être intéressant pour les frères qui veulent faire une recherche je peux leur donner des sources inchallah et qu'est-ce que Cheikh l'Albani a dit par rapport à ça son avis ورواه احمد احمد c'est-à-dire dans المسند وابن ماجه و quand ابن ماجه c'est dans, évidemment dans Sunan et c'est dans l'introduction et par Ibn Majah on a déjà dit et par Darimi dans son qu'est-ce que j'avais dit dans son Musnad c'est juste ce que tu as déjà je t'avais expliqué non j'avais dit que Sunan ce serait le bon mot en fait parce que le Musnad Darimi il est classé selon les chapitres dans le fiqh tandis qu'on l'appelle Musnad alors qu'un Musnad il est classé par rapporteur. D'accord? Donc le nom s'appelle Musnad, mais tu n'as pas tout à fait tort, on va dire, ça va? Maintenant, on voit c'est qui? Sahabi al-Hadith. Qui est le rapporteur du Hadith? Qui est l'Irbad ibn Sariyah? Donc, l'Irbad ibn Sariyah, al-Salami, Abu Najih, il a habité à Nazala Hams, avec Sad, hein, Hams, et décédé après la septantaine, c'est après 70 ans. D'accord? C'est tout ce que le cheikh nous rapporte de lui. Maintenant, on rentre dans le vocabulaire du hadith. Al-Maw'idah. Pourquoi on dit, on rapporte le mot Maw'idah ici? Parce que le professeur l'a dit, le sahabi a dit, Wa'adana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Maw'idatan baligha. Qu'est-ce que veut dire le mot Maw'idah? Il dit ici, Cheikh Rabi, hiya tadhkiru billah wa takhwifu min ghadabihi wa adhabihi. Je vous conseille d'étudier ce mot-là par cœur, cette définition par cœur. Pourquoi? Parce que le mot Maw'idah, pour un da'i, c'est important de savoir qu'est-ce que c'est. Quand on te demande en tant que da'i, tu arrives quelque part, on dit « Ah, akhi, barakallahu fik, est-ce que tu ne peux pas faire une mo'aïda pour les gens dans la mosquée ?» Si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est une mo'aïda, tu vas être... Mo'aïda, c'est quoi? C'est « Yatadkiru billah wa takhwifu min ghadabihi wa adhabihi. » C'est-à-dire, al-mo'aïda, le fait de rappeler Allah lors d'un sermon et de faire craindre sa colère et son châtiment. Voilà, c'est ça le mo'aïda, définition. Yatadkiru Je répète, le fait de rappeler Allah lors d'un sermon et de faire craindre sa colère et son châtiment. Ça va? Je répète encore une fois. Ouais? Non? Baligha, ça c'est un adjectif. Mu'aidatan bali. C'est l'adjectif pour Mu'aïda. Comment est cette Mu'aïda qu'il a fait le prophète ce jour-là? Elle est baligha. C'est-à-dire, comme Cheikh nous explique ici, Ay mu'athiratun tassilu ila qulubi sami'in bi ahsanil alfaz wa afsahiha wa a'zabiha. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le sahabi ici, regardez le sahabi comme il est précis dans la narration ici, il dit Wa'adana Rasul Sam Mu'aïdatan baligatan. Qu'est-ce que ça veut dire baligan, baligatan? Baligha, c'est-à-dire qui touche les cœurs de ceux qui l'écoutent avec les plus belles paroles et les plus éloquentes et les plus mielleuses, les plus délicieuses. Je rappelle. Donc, essayez de noter au vol, hein, comme on avait dit la dernière fois, qui touche, c'est une mu'aïda baligha, c'est-à-dire qui touche les cœurs. C'est ça que vous devez retenir, quelqu'un, elle arrive droit dans ton cœur, elle te touche. C'est celui qui l'écoute, il est touché dans son cœur. Avec, par quoi? Parce que c'est avec les plus belles paroles, les plus éloquentes, hein, les plus délicieuses, les plus mielleuses. Et qu'est-ce que la conséquence de cela? Wajilat al-qulub. C'est-à-dire, khawafat. Les cœurs ont été touchés par la peur. Wa dharafat minha al-uyun. Salat minha al-dumu'. C'est des définitions étudiées. Normalement, talib al-ilm, il doit rapporter le hadith. Hein? An al-ibra al-misariya, radiyallahu anhu arda, qal, hein? Wa adana al-rasulullah sallam ma'u'idatan baligatan. Wajilat minha al-qulub, wa dharafat minha al-uyun. Hein? Il continue comme ça, akhrajahu fulan wa fulan wa fulan, hein? Et puis là, wa qala Cheikh Rabi hafidhahullah ta'ala, yani al-mu'ida hiya, hein? Hiya? C'est quoi al-mu'ida? Qu'est-ce qu'il me rappelle déjà? At-tadhkiru billah, mashallah, wa takhwifu min ghadabihi wa 'adhabihi, dans l'ordre qu'il a cité. Voilà, c'est ça un talib ilm, hifd. Si tu n'as pas le hifd, quand tu te retrouves dans une situation dans la famille, dans un voyage, n'importe où, t'as pas de livre devant toi, tu dis excusez-moi, je peux pas faire un rappel. Quand tu vois quelque chose que tu veux rappeler, c'est pour ça le hifd, ya ikhwa. Dès le début, j'avais rapporté le hifd, il est très important. Il y a un truc qui est mashallah chez les frères du Maroc, hafidhahumullah, le hifd, ils rigolent pas dans le hifd. Hein? Pour les frères qui me connaissent un peu, on avait rapporté des. Hein? Comment sont les frères, mashallah, on connaît des frères qui connaissent le Bulugh al-Maram par cœur, presque 2000 hadiths. Hein? Ils connaissent le Coran. Ils connaissent peut-être l'Ulu al-Marjan, ils connaissent Usul Talata, Usul Sitta, Al-Qual al-Arba'a, Kitab al-Tuhid, Al-Wasitiya, Al-Tahawiya. Certains la connaissent avec Sharh par cœur. Ça, c'est. Hein, on en a déjà vu, ils allaient dans les campagnes. Zamlo Khiran. Ils allaient dans les campagnes, ils allaient faire da'wah aux gens dans les villages pour les sortir du shirk, pour leur apporter le Tawhid. Hein? Ça, c'est ça, un talib. Un salafi doit être comme ça. D'être qawi dans le hifd. Et dans le fahm aussi. Parce que le hifd sans fahm, ça sert à rien. Et le fahm sans hifd, c'est mieux avec le hifd. D'accord? Donc quand je dis ça ici, essayez d'étudier par cœur barakallahu fik. Prenez pas ça comme des fawaïd, comme ça qu'on prend ici. On a compris une fois et puis ça passe. Non, ça doit être clair dans la tête, ça doit venir directement. Donc ce qu'on a dit ici, dharafat al-uyun salat min ad-dumu'. Qu'est-ce que ça veut dire? Les cœurs ont été touchés par la peur pour wajal qulub. Et darafat min al-uyun, c'est-à-dire que les larmes ont coulé des yeux. Fa'awsina. Le prophète Azam a dit, le sahabi l'a dit, fa'awsina. Al-wasiya, qu'est-ce que l'wasiya? Hifd, encore une fois, mémorisation. Al-amru, al-mu'akkadu, al-muqarraru. Trois mots, c'est pas difficile, non? Al-amru, al-mu'akkadu, al-muqarraru. C'est-à-dire l'ordre décidé avec un décidé avec insistance. Hein? Al-muqarrar, al-mu'akkad. Vous connaissez le mot mu'akkada, comme sunna mu'akkada, sur laquelle on a insisté. Qu'est-ce que at-taqwa? Ça, c'est une définition très importante que j'ai donnée aux enfants cette semaine à l'école. Alhamdoulilah, ils l'ont compris, ils arrivent à la redire. Donc, je ne vois pas pourquoi nous, on n'arriverait pas. An taj'ala baynaka wa bayna ma takhafuhu shay'an yamna'uka wa yaqik. C'est-à-dire que la taqwa dans le sens linguistique, après je vous rapporterai moi une définition que j'ai étudiée ailleurs sur taqwa, mais qui est taqwa Allah. Donc taqwa, qu'est-ce que veut dire taqwa? C'est que tu mettes entre toi et ce que tu crains quelque chose qui te protège et t'empêche de cette chose-là. Et ça vient du mot al-wiqaya, qui veut dire... Qu'est-ce qui veut dire al-wiqaya? Va plus loin dans l'idée, je vois que tu comprends, mais en français, t'as un mot direct pour ça. Al-wiqaya, la protection. Hein? D'accord? Donc qu'est-ce que taqwa Allah? Maintenant qu'on a cette définition linguistique, qui sait me dire qu'est-ce que c'est quoi taqwa Allah? Donc la taqwa, c'est que tu mets entre toi et ce que tu crains quelque chose qui t'empêche et qui te protège. Maintenant, taqwa Allah, eh bien, an taj'ala baynaka wa bayna 'adhabillah. Hein? Wiqayatan. C'est-à-dire que tu mets une protection entre toi et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si quelqu'un j'aurais dit oui, mais tu me dis toujours taqillah, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu ne sais pas lui expliquer, tu vas être fin. Hein? Taqwa, c'est quoi taqwa? Ben, tu lui dis, achi, c'est très facile, c'est que tu mettes entre toi et le châtiment d'Allah une protection. C'est tout. As-sunnah, qu'est-ce que as-sunnah? C'est un mot qu'on utilise tout le temps, il faut savoir le définir également. As-sunnah, et c'est qui nous parle ici? Cheikh Rabi' al-Muhaddith, qui était directeur de la faculté de la sunnah à l'université de Médine. Donc c'est ce qu'il dit, hein? At-tariqu wal-manhajou. La voie, hein? Et la route. Fayashmanu dhalika. Je dis d'abord en arabe, فَيَشْمَلُ ذَلِكَ تَمَسُّكَ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَخُلَفَاءُهُ الرَّاشِدُونَ مِنَ الْاِعْتِقَادَاتِ وَالْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ. Facile. Regardez les définitions comme elles sont courtes. On peut les mémoriser très facilement et les répéter très facilement. Hein? La sunna, c'est quoi? C'est la voie, la route. Hein? Et maintenant, il nous donne même la définition dans la sharia, ce que ça veut dire. Et cela comprend le fait de s'attacher à ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi la sunna? C'est le fait, hein? C'est la route, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le fait de s'attacher à ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ses califes bien guidés. Mais dans quoi on s'attache? Dans quoi? Dans les croyances, les i'tiqadat, al-aqwal, les paroles, ou al-a'mal, hein? L'a'mal, les actes, na'am, les actions. D'accord? Donc si on te demande c'est quoi la sunna, tu dis c'est la voie, la route, et ça comprend le fait de s'attacher à ce sur quoi était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Uthman Ali dans l'ordre. Hein? Dans quoi? Fi l'i'tiqadati, wal aqwali, wal a'mal. Dans les croyances, les paroles et les actions. Regardez maintenant directement, al-bid'a. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit de nous accrocher à la sunnah et d'éviter le bid'a, parce que toute bid'a est un égarement. C'est quoi la bid'a? Il faut savoir la définir. Et je vous conseille la définition de Shatibi dans l'I'tisam, que je ne vais pas rapporter aujourd'hui. Mais c'est un talib ilm, il doit être capable d'aller voir dans les sources. J'ai cité une source, vous avez du travail maintenant. Shatibi dans l'I'tisam. L'édition que j'ai moi, je crois que si je me souviens bien, c'est dans le premier volume. Le fait d'inventer une chose, donc c'est quoi? C'est. إحداث أمر في الدين لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. Regardez la définition. Hein? Avec cette définition-là, vous pouvez rendre sur tout le Mubtadi'a. Hein? Comme certains ont dit, j'ai mis à tablir, ils ont dit à des frères salafis, ils ont dit, ouais, et le micro que tu as devant toi, il existait au prophète, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça rentre, il y a djahil, ça rentre dans le masalih, le mursala, ça. L'asl fiya, c'est que c'est moubah, c'est autorisé. Et qu'on l'utilise pour din, c'est autre chose. D'accord? Ici, on parle de ce qui est inventé dans la religion. La voix que tu utilises dans Jama'at Tablir, elle n'a pas été utilisée par le prophète, c'est ça la bid'a. Et les sahaba, ils n'ont jamais fait comme toi t'as fait. D'accord? Et ça, donc le micro, c'est le hukm, il a quel hukm? En fonction de quoi tu l'utilises? Si tu utilises le micro pour la musique, ça devient haram. Si tu dis le micro pour un dars, ben, il a le hukm du dars, hein, que les gens puissent entendre. D'accord? Donc ici, la bid'a, c'est quoi? Ihdathu amrin fi din. C'est quoi? C'est le fait d'inventer une chose dans la religion qui n'existait pas à l'époque du messager d'Allah. Regardez, dans la religion. Ihdathu amrin fi din. Qui n'existait pas à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni à l'époque de ses compagnons. Tu lui réponds, tu dis une voiture, c'est une bid'a. Dans le sens linguistique, c'est quelque chose de nouveau, bien sûr. Hein? Mais dans le sens de la charia, c'est quelque chose qu'on utilise, quelque chose de moubah. On s'utilise hein? La voiture pour ceci ou cela, ça dépend de pourquoi tu l'utilises. Ça n'a rien à voir, ça rentre dans les choses de dunya. Hein? Vous avez compris la différence? Donc ici, la définition, c'est le fait d'inventer une chose dans la religion qui n'existait pas à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ni à l'époque de ses compagnons. Il faut faire attention, parce que moi, je connais un frère qui étudie en Arabie Saoudite, à Riyad. Et il a eu discuté avec un tabir saoudien, et c'est parmi les pires, hein, parce qu'ils connaissent. Et il l'a bloqué en lui disant, ah oui, et l'université, le système académique, il existait à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas su répondre, le frère. Ils viennent souvent avec ça. Ben voilà, maintenant tu as la réponse. C'est que le système académique à la base, ça ne rentre pas dans le din. Mais c'est quelque chose de moubah qui est utilisé pour din, pour faciliter l'apprentissage à l'université, c'est tout. Tu comprends? Donc il faut savoir répondre à ces... Et c'est pour ça qu'il faut étudier, c'est quoi le bid'a? C'est quoi taqasim le bid'a? Il y a des différents genres de bid'a. Hein? C'est pas le sujet du cours. Je n'ai pas préparé, donc si vous voulez, on peut préparer un cours là-dessus, inshallah. Mais il faut connaître la bid'a. Il faut savoir c'est quoi. Si tu ne connais pas la bid'a, comment tu peux l'éviter? Et comment tu peux répondre à quelqu'un? Ils ont beaucoup de choubouat là-dessus, attention. Et lui, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il dit, mais c'est parce qu'on lui a appris à répondre comme ça aux salafis. L'établir, on leur apprend de manière hein, directe ou indirecte, on leur apprend comment se retrouver devant un salafi, comment lui répondre. Tu vois? Donc toi, en tant que salafi, tu dois savoir qu'est-ce que le choubouat il va te sortir, déjà à l'avance, et le connaître la réponse, comme ça tu le bloques. C'est ça l'ilm. Tu connais le haqq, tu connais le batil. Tu sais sur quoi lui il est. D'accord? Souvent, quand on a discuté avec des tablirs, ils étaient étonnés de comment on connaissait leur jama'a. On connaissait leur jama'a mieux qu'eux. Ils disaient, ah oui, vous avez Stasifat, vous avez ceci, vous avez Sahib Dalil, vous avez ça, vous avez ça, vous avez un tel livre et tel livre, vous faites telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et même, ils disaient, ah oui, on fait ça, on fait ça. Et ben voilà, ben tu fais ça, ben ça c'est une bid'a, ça c'est une bid'a, ça c'est une bid'a, ça c'est une bid'a, ça c'est une bid'a. D'accord? Donc il faut vraiment, Inch'Allah, on va consacrer des cours à ces règles-là dans le ménage, etc., et même aux fautes de certaines sectes, etc., pour connaître un peu avec détail, pour savoir expliquer à quelqu'un. C'est pas que je vous incite à faire des débats, hein, mais des fois, il y a des gens qui savent pas, ils veulent apprendre, donc il faut être apte à leur expliquer, d'accord? Donc ici, c'est quoi la bid'a? C'est, on a dit, c'est le fait d'inventer une chose dans la religion qui n'existait pas à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ni à l'époque de ses compagnons. C'est très simple. Quand on dit Al-Khulafa Al-Rashidun, qu'est-ce que veut dire Al-Rashidun? Al-Rashidun, Cheikh dit, Huwa min al-Rushdi. Ça vient de Al-Rushd. Wa huwa diddu al-Ghay. Wa bi diddiha tatabayyanu al-Ashya'u. Comme il a dit le poète. Hein? Wa diddu, yudiru husnahu diddu. Wa bi diddiha tatabayyanu al-Ashya'u. Ça, c'est un poème en arabe. Hein? C'est-à-dire qu'avec le contraire, les choses apparaissent. Tu veux connaître le tawhid, tu dois connaître le shirk. Tu veux connaître la sunna, tu dois connaître la bid'a. D'accord? Donc ici, c'est quoi Ar-Rashidun? C'est min ar-Rushdi wa huwa diddul ghay. Alors qu'est-ce que ça veut dire en français? Vient du bon sens, Rushd. Et c'est le contraire de Al-Ghay, l'égarement. C'est vraiment des traductions approximatives, ça reflète pas, hein, la force du mot en arabe, mais c'est juste pour, comme on l'a dit depuis le début, c'est juste pour approcher, inchallah, la compréhension. Mais là-bas, c'est que Cheikh Rabi, une des raisons pour laquelle il a écrit le livre, c'est quoi? Pour apprendre aux frères à. Non, mais par rapport à la langue arabe, qu'est-ce qu'on avait dit? Entraîner les frères, hein, et les sœurs à parler en arabe et à pouvoir être aptes à parler en arabe et à expliquer en arabe. Et, hein, et surtout, nous, en tant que frères francophones, on a besoin de ça. On a besoin de ça. On a tous commencé un jour, on ne connaissait pas l'arabe, donc rien n'est impossible. Al-ma'na al-ijmali, le sens général du hadith. On a oublié un mot, al-dalal. Deux, ma'afouana. Al-mahdiyoun. Qu'est-ce que veut dire al-mahdiyoun? Al-muwaffaquna li-idraki al-haqqi wa ittiba'ihi. Al-muwaffaquna li-idraki al-haqqi wa ittiba'ihi. Qu'est-ce que veut dire al-mahdiyoun? Parce qu'on a dit. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. Pourquoi on a dit مهديون ici et dans le hadith il dit مهديين? Qui sait me répondre? Voir ceux qui connaissent un peu le nahou, la grammaire arabe. Pourquoi dans le hadith ici on a rapporté مهديين, الراشدين, المهديين, et ici j'ai dit المهديون? Pourquoi? عليكم بسنتي حرف الجر, d'accord. Et qu'est-ce que ça implique? Que l'ism qui est après, il est mesrour. Où est le signe ici? L'ia. Pourquoi l'ia? Le jar, c'est le kasra normalement, mon frère. T'as vu ça avec moi dans l'azroumi en plus, hein? Attention. Eh ouais, quoi. C'est simple, c'est que la kasra, c'est l'alam al-asliya dans le jar. Mais il y a d'autres alamates. C'est que le jar, le kasra, hein? Toi aussi, tu dois connaître ça, hein? Tu te souviens plus. C'est que le kasra. C'est la base dans Al-Jar. Les orientalistes traduisent ça par le génitif. Al-Jar, c'est le Jar, c'est tout. Al-Jar, c'est un des états du mot, si vous voulez. D'accord? Al-Jar, la base, c'est le Kasra. Fil-Majji, dit. Il-Al-Bay, ti. Le Kasra. Mais il y a d'autres alamates qui remplacent le Kasra. Et parmi les alamates, dans d'autres situations, si vous voulez, sans rentrer dans les détails, et parmi ceux qui remplacent, c'est l'IA. Parce qu'ici, il est jam' mudhakkar salim. Donc, si tu veux faire l'analyse grammaticale, tu dis ismun majrurun biba, wa alamatu jarrihi liya niyabatan al kasra, annahu jam' mudhakkar salim. D'accord? Parce que c'est un pluriel masculin classique qui est en ou, en mahdiyoun avec le waou, qui devient ya parce que c'est un jar. Wa nun iwadun anni tanwin fil ism mufrad. Voilà des frères que j'oublie rien. Faut que je me fasse réfuter. الضلال هو الذهاب والبعد عن الحق وهو ضد الهدى. Qu'est-ce que veut dire الضلال? Le fait de partir. Ah, je vais même pas expliquer le Mahdi. Les inspirer à la compréhension de la vérité et son suivi. Vraiment, muwaffaqun. Vous voyez que le mot inspiré, il reproduit pas tellement le mot faq, tawfiq, le mot tawfiq en arabe, hein. C'est Allah Azzawajal qui donne le tawfiq. Hein? Que vous entendez souvent le mashiach dire Allah le muwaffiq. Wabillah le tawfiq. Wabillah le tawfiq. C'est Allah qui inspire les gens, qui leur permettent de comprendre ou de ne pas comprendre la religion, d'être guidés ou pas de guidés. D'accord? Al-dalal, ça veut dire quoi? Huwa al-dhihab wal-bu'd anil haqq. Wa huwa al-didd al-huda. C'est quoi? Le fait de partir et s'éloigner de la vérité, et c'est le contraire de al-huda. Donc c'est quoi al-dalal? C'est le fait de partir et de s'éloigner de la vérité, et c'est le contraire de Al-Huda. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Huda? La guidance. Donc si je vous dis que Dalal, c'est le contraire de Al-Huda, vous connaissez le mot maintenant, c'est tout simplement l'égarement. D'accord? D'ailleurs, en anglais, le mot il reproduit très bien misguidance. Hein? Misguidance. Hein? Le fait d'être non guidé. D'accord? Avec ça, on a fini pour le vocabulaire, et maintenant on rentre dans le sens général du hadith. هذا الحديث أصل عظيم وفيه توجيهات عظيمة جامعة فقد أسدى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النصيحة العظيمة والوصية البليغة إلى الأمة الإسلامية حيث أرشدهم إلى أمور عظيمة لا قوام لدينهم ودنياهم إلا بالتزامها واتباعها ولا حل لمشاكلهم إلا بتنفيذها بدقة. Je vais m'arrêter là parce qu'après il va rapporter des points, comme ça on ne se perd pas, Inch'Allah. Ce hadith, donc, Cheikh dit ici, est un fondement très important. Quand il dit important, ça veut dire qu'il attire notre attention. Et contient des directives génériques, qui englobent. Très importantes. Il attire encore une fois notre attention. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, a donné cet immense conseil et cette recommandation saisissante à la communauté de l'islam. Et je voudrais replacer le contexte un peu que j'ai oublié de faire, peut-être c'est important, Cheikh va le faire ici, Inch'Allah, mais quand ça s'est fait, ce serment-là? Et comment est-ce qu'on l'appelle en français? Et en arabe d'abord, peut-être. Et ça s'est fait lors de quel pèlerinage? Hajjat al-Wada', qui veut dire le pèlerinage d'adieu, naam. C'est-à-dire, après combien de temps le prophète a vécu après? Hein? Une année, sûr? Ça, c'est devoir pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Hein? Combien le temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu après? Hein? Inch'Allah, c'est pour la semaine prochaine, Inch'Allah, à trouver. Vous le trouvez très facilement dans les livres de Sirah, Inch'Allah. Hein? Donc, c'est un moment particulier. C'est le sermon du Hajj d'adieu. Donc, vous voyez, replacez toujours les choses dans ce contexte-là. Hein? Qu'est-ce que nous dit Cheikh Rabi' ici? Donc, il nous donne cet immense conseil, cette recommandation saisissante à la communauté de l'islam. Car il les a orientés vers des choses très importantes. Regardez ce que dit Cheikh ici. Pas de rectitude dans leur religion, ni dans leur vie, s'ils ne la suivent pas et ne s'y tiennent pas. Donc, si tu veux être droit dans ta religion, akhifillah ou ortifillah, applique cette recommandation-là, cette wasiyya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a de solution à leurs problèmes qu'en l'appliquant avec précision. Pas en l'appliquant simplement, en l'appliquant avec précision. Cheikh Al-Uthaymeen, il a un magnifique charh de ce hadith-là. Où ça? Dans quel livre? Et ouais, quoi? Non, le hadith al-Arba'in Nawawi, dans les 40 hadiths Nawawi, qui sont en fait 42. Cheikh Al-Uthaymeen, il a expliqué les 42 hadiths Nawawi. Bien, il a une très très belle explication de ce hadith-là. Revenez à cette explication-là, Inch'Allah. Je pense que Hassan Abou Asma l'a déjà fait en cours. Il a rapporté des points très importants. Vous pouvez retrouver ça sur les sites internet, Inch'Allah. Donc, Cheikh ici continue en disant point numéro 1. Fala dina illa bi taqwallah. Wa ya ta'atullahi, imtithalu awamirihi, wa ijtinabi nawahihi. Premier point qu'on tire de ce hadith-là. Mais après, on va rapporter les bienfaits, vous inquiétez pas, Inch'Allah. Mais ça, c'est par rapport à la recommandation au conseil du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pas de religion sans la crainte d'Allah. Et c'est quoi la crainte d'Allah? Regardez encore une définition. Il y en a beaucoup de définitions. Hein? Et parmi celles très connues que le Mashiach donne, c'est la définition de Talq ibn Habib. Naam. Ici, qu'est-ce qu'il nous dit le Cheikh ici? C'est le fait d'obéir à Allah et d'appliquer ses ordres. Et de délaisser ses interdits. J'avais posé une question. Quel est le pire, délaisser un ordre ou faire un interdit? Délaisser un ordre. J'avais donné combien d'explications à cela? On avait cité le chiffre qu'Ibn al-Qayyim a donné dans le Fawaid. 23. Ibn al-Qayyim dans le Fawaid, il a cité 23 manières de montrer que le fait de délaisser un ordre, c'est plus grave que de faire un interdit. Qui a été voir? Je ne veux pas de réponse, mais qui a été voir? 23, et il a cité la première, et c'est celle que je vous ai citée, et la seule que je vous ai citée, il a cité Iblis. La'anahullah. Iblis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a délaissé un ordre. Hein? Fafasaqa an amri rabbi. Il a désobéi à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, deuxième point, que ni leur religion, ni leur vie ne peut se réaliser qu'au moyen d'un gouverneur vertueux, juste, qui va les gouverner avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, kitabullah, et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, et va appliquer sur eux la législation d'Allah, la sharia, et va organiser leur rang et unifier leurs paroles et lever pour eux le drapeau du jihad, pour que leur parole d'Allah soit la plus haute, et la communauté se doit de lui obéir dans ce qu'elle aime et dans ce qu'elle déteste, tant qu'il est droit sur l'ordre d'Allah et applique ses jugements. Hein? Et le jihad, c'est pas ce que font le khawarij actuellement. Hein? Vous le savez tous, hein? Quand le cheikh s'y dit djihad, vous voyez très bien qu'est-ce qu'il veut dire, d'accord? Il y a assez de cours, alhamdoulilah, de nos frères Hassan Abou Asma et d'autres frères sur le sujet, hein? Ils sont très loin du djihad. Donc, et pour le bien de l'islam et du musulman, et pour préserver leur union et préserver leur sang, l'islam impose à la communauté le fait de l'obéir dans ce qui est convenable, et même s'il est désobéissant, du moment que sa désobéissance n'arrive pas au degré de la mécréance. Donc, cheikh, ici, on lit en arabe pour les frères arabophones, ceux qui veulent un peu. Hein, on a dit وَلَا قِيَامَ لِدِينِهِمْ وَلَا دُنْيَاهُمْ إِلَّا بِإِمَامٍ صَالِحٍ عَادِلٍ يَقُودُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُنَفِّذُ فِيهِمْ شَرِيعَةَ اللَّهِ وَيُنَظِّمُ صُفُوفَهُمْ وَيُوَحِّدُ كَلِمَتَهُمْ وَيَرْفَعُ لَهُمْ رَايَةَ الْجِهَادِ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ وَعَلَى الْأُمَّةِ أَنْ تَسْلِمَ لَهُ زَمَامَ الطَّاعَةِ فِيمَا تُحِبُّ وتكره ما دام مستقيما على امر الله ومنفذا لاحكامه ولمصلحه الاسلام والمسلمين وحفاظا على وحدتهم وحقنا لدمائهم يفرض الاسلام الطاعه بالمعروف على الامه لولي الامر وان كان عاصيا ما لم يخرج به العصيان الى الكفر. Donc on vient nous donner un message pour dire qu'il y a une sœur qui demande de répéter le hadith sur la douceur de la foi. Je pense que c'est Anas ibn Malik, Halawat al-Iman. Je le répéterai à la fin, inshallah, il n'y a pas de problème. Rappelez-le moi, barakallahu fi, je crois que je le rappelle à la fin, inshallah. Donc ici, troisième point, Cheikh nous dit وَتَنَاوَلَتْ وَصِيَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مُوْقِفَ الْأُمَّةِ. Important, très important ce point-là, ikhwa. مِنْ الْخِلَافَاتِ والمخالفين للحق فأرشدنا إلى الاعتصام بالحق والرجوع إلى النهج السوي منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاعتصام بالحق والرجوع إلى النهج ومنهجهم النهج السوي منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم وما سنتهم ومنهجهم إلا كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه سورة فصلت والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المطهرة ففيهما النجاة والسعادة وفيهما الحلول الصحيحة الحاسمة للخلافات الواقعة بين الفرق الإسلامية وإنهائها على الوجه الذي يرضي الله ويجمع كلمة المسلمين على الحق وكل الحلول التي تقدم على غير هذا الوجه فخاطئة وعاقبتها الفشل. Donc Cheikh nous rapporte un point très important ici. Comme on a dit, nous apporter le mal. Et quel est le mal? Beaucoup de divergences. Il nous a donné le remède. Et regardez ici, la recommandation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comprend la position de la communauté par rapport aux divergences. Et ceux qui transgressent la vérité, il nous a orientés vers le fait de se cramponner à la vérité et de revenir à cette voie droite. La voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et des califes bien guidés. Et leur voix et leur sunnah n'est que le livre d'Allah. Qui le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant ni par derrière. C'est la traduction approximative du surat Fussilat, les versets détaillés, verset 42. D'accord ? Ici, un point important à rapporter dans la langue arabe, avant que j'oublie, que je vous avais dit au début que j'allais vous rapporter. Le professeur Assam, il a dit quelque chose. Regardez la langue arabe, comment elle est très importante. Alaykum bi sunnati. D'accord ? Wa sunnati al-khulafa' al-rashidin al-mahdiyin min ba'di. Addu alayha. Ici, alayha, c'est un dhamir. Muttasil, taqdiruhu hiya. Or, il a cité deux sunnas. Et quand en arabe on cite deux choses, on utilise le duel. On aurait dû dire alayhi ma. Pourquoi le professeur a dit alayha, il n'a pas dit alayhi ma? Parce que c'est la même, na'am, barakallahu fik. Ça, c'est important. Regardez la langue arabe. Accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des quatre califs bien guidés. Addu alayha. Parce qu'il y en a, il va te dire, ah, tu vois, la sunna du prophète, ce n'est pas la sunna des califs bien guidés. Hein? Un shit. Hein? Pour dire autre chose. Hein? Je dis, ah, jahil bi sunna, ah, jahil bi l'oral arabiya. Regarde, alayha. Le prophète, le damir, ya'oudu, il a sunna wahida. Parce que sunna al-khulafa al-rashidin al-mahdiyin, c'est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une faïda importante qui n'est pas dans le livre de Cheikh Rabi Issim. C'est une faïda très importante que certains machir ont rapporté. Si je me souviens bien, Cheikh Al-Athaymin la rapporte. Hein? Regardez, ça, c'est un des grands dalils. Si quelqu'un vous dit, ouais, mais pourquoi on doit suivre les quatre califs bien guidés? Pourquoi? Rapportez-lui juste le hadith là, expliquez-lui cette règle dans la langue arabe, ça suffit. Et même ces quatre califs bien guidés, c'est tout. On ne suit pas les autres sahaba. Non, on suit tous les sahaba. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعون بإحسان وكل سلف خسر الآية وما يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين سكين مؤمنين على رأسهم الصحابة نصليه جهنم نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرة سأصل obligation تشوف الصحابة. Donc on a dit quoi ici? C'est le fait de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des califs bien guidés, et leur voie, leur sunnah, ce n'est que le livre d'Allah qui le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant ni par derrière, et la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pure, mutahhara. Il y a en ces deux-là, c'est-à-dire quoi, le Coran et la sunnah, le bonheur et le salut. Et les solutions radicales aux divergences qui existent entre les groupes islamiques. Important ça, pour un salafi de comprendre ça. Et le fait d'y mettre fin de la manière qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, pas la manière qui satisfait Hizb Tahrir, ou la Jama' al-Ikhwan al-Muflisin, ou la Sufiya, ou la Shia, ou la Tikfiriyun, ou la Jama'at al-Islah, ou la Jama'at je ne sais pas quoi, ou la Jama'at. Non, non, la manière qui satisfait Allah Rabbil Alameen. Et il n'y en a pas 36. D'accord? Ça, c'est très important de comprendre ça, Ikhwa. Donc je répète ce point très important. Donc il y a des solutions radicales en cela aux divergences qui existent entre les groupes islamiques, et le fait d'y mettre fin de la manière qui satisfait Allah et unifie la parole des musulmans sur la vérité. Il y a des gens, ils ne cherchent pas à unir les musulmans sur la vérité. Ils cherchent à unir les gens tout court, même sur le batil. Et ça, c'est la règle très connue des Ikhwan Muslimin. Qu'est-ce qu'elle dit la règle des Ikhwan Muslimin, la secte fondée par Hassan al-Banna? Hein? On se réunit sur ce qu'on est d'accord et on se pardonne sur ce qu'on n'est pas d'accord. Cheikh Ben Baz, pour les frères qui savent pas, il réfutait cette qaïda-là dans le Majmou' Fatawa de Cheikh Ben Baz. La réfutation est liée. Il réfute ça. Il fait un tafsir là-dedans. Il dit non, c'est pas vrai de rapporter comme ça à l'Itlaq cette règle-là. Et le Mashir, ils ont réfuté ça. Donc les Ikhwan Muslimin, ça c'est leur règle. On se réunit sur ce qu'on est d'accord et on se pardonne sur ce quoi on est. Cheikh Ubayd utilise le mot qaïdat al-ma'dira wa ta'awun. La règle de on s'excuse et on s'entraide. Là, on se réunit, wallahi, que sur le haq. Il nous unira que le haq. Et le dalil, il est là dans ce hadith-là. Parmi les nombreux adillah. Hein? Wa'tasimu bihabilillahi jami'an wa la tafarraqu. Tu veux pas te farraqu? Wa'tasimu bihabilillah azza wa jal. Donc, et unifie la parole des musulmans sur la vérité, et toutes les solutions qui sont présentées autres que cette manière sont erronées. Et ça, ça corrobore ce que je viens de dire. Et en résultera quoi? La réussite ou l'échec? L'échec. Donc, on continue en arabe ici. Le cheikh dit وتناولت نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم التحذير من البدع ومحدثات الأمور. فكم حذر الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته من أخطار البدع ومفاسدها مع البيان النير أنها ضلالة وأنها من في النار فما الذي يدعو كثيرا من المسلمين للوقوع فيها والتشبث بها وقد أكرمهم الله بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه دين كامل غاية الكمال لا نقص فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام Dina, surat al-Ma'ida. Je termine ici parce que c'est important. Wa inna min al-mu'sif haqqan an tara kathiran min al-ummah al-islamiyya la ta'tamidu 'ala al-Qur'an wa 'ala as-sunnah fi 'aqa'idiha wa qad taghat al-bid'a 'ala as-sunan fi 'ibadatiha wa taqalidiha wa sadaqa fiha qawlu ar-rasul sallallahu 'alayhi wa sallam la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibr wa dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu hujra dabbin la dakhaltumuh. Continue inshallah. Donc ici Cheikh nous dit ce conseil du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam contient également la mise en garde contre les innovations. Qui sait me rapporter quelle partie du hadith nous met en garde sur le bid'ah? Vous pouvez vous aider du livre. Wa iyyakum, wa iyyakum, attention, wa iyyakum wa muhdathat al-umur. Hein? Fa inna kull bid'atin dalalah. Hein? C'est la version ici qui est rapportée, hein? Donc le professeur il met en garde, iyyakum, attention, il met en garde contre les innovations. Combien de fois le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas mis en garde sa communauté contre les dangers des innovations et les conséquences néfastes mises en évidence de manière claire, lumineuse, que ces innovations sont un égarement et qu'elles sont en enfer? Et qu'est-ce qui amène beaucoup de musulmans à tomber dans ces innovations et à s'y accrocher alors qu'Allah les a honorés avec un livre que le faux n'atteint d'aucune part, ni par devant ni par derrière? Une religion parfaite, d'une perfection complète où il n'y a aucune diminution. Et certains ulama disent, et certains salafs disaient, celui qui fait une bid'a, c'est comme s'il accuse le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir al-khiyana, la trahison. C'est comme s'il n'avait pas transmis tout le message. Alors Allah il dit, اليوم أكملت رب العالمين يتكلم سبحانه وتعالى ها يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي أتممت j'ai parachevé sur vous mon bienfait ورضيت لكم الإسلام دينا. Et toi tu viens faire une bid'a encore après, hein? Cheikh Mohamed Amel Jami disait, qu'est-ce qui accepte quelque chose? C'est quelque chose qui est imparfait, hein? C'est vrai ou pas? Hein? Si tu estimes que le récipient n'est pas encore prendre, c'est que pour toi il n'est pas complet, il n'est pas au rabord. Hein? Retenez ces choses-là. Si tu dis que tu. Non, et bida hasana. Ah, donc c'est-à-dire que le prophète n'a pas tout rapporté. Notre religion n'est pas complète en fait. Il veut billah. Et taqillah, ya Abdullah. La religion est parfaite, Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Wa raditu lakum l'islam adina. C'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre ça, Yéhoua. Notre religion est parfaite, alhamdoulilah, n'a rien besoin de rajouter ni d'enlever non plus. C'est dinullah, subhanahu wa ta'ala. Donc, Cheikh ici nous dit quoi? Et ce verset-là, aujourd'hui j'ai parachevé, donc la traduction approximative, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, ou parachevé si vous voulez, accompli sur vous mon bienfait, et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. C'est fini, il n'y a pas d'autre religion. Islam, Islam. Surat al-Ma'ida, verset 3. Je vous conseille d'aller voir Tafasir des ulama là-dessus, sur les exégèses des ulama de Surat al-Ma'ida, sur ce point-là, c'est très important. Et quand ce verset-là a été révélé, Sabab Nuzul, etc. Ce qui est vraiment, vraiment triste, et Cheikh conclut là-dessus, ce qui est vraiment triste, c'est que tu vois un grand nombre de cette communauté islamique ne pas se baser sur le Coran ni sur la Sunna dans ses croyances, et que les innovations ont débordé sur les Sunnans. Et certains salafs disaient, il n'y a pas une bid'a qui est innovée sans qu'une sunna soit délaissée. Allahu Akbar. C'est comme s'ils vivaient à notre époque, subhanallah. Hein? Sur les sunnan, donc elles ont débordé sur le sunnan dans les croyances, donc dans les croyances de la communauté islamique et ses coutumes. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai lorsqu'il a dit, vous suivrez certes les voies de la tatabi'anna, tawkid en arabe, sanana man kana qablakum, les voies de ceux qui étaient avant vous. Hein? En pan par en pan, c'est une mesure. En pan par en pan, E-M-P-A-N. Hein? Coudé par coudé. Que même s'ils entrent dans le trou, hein? Dans le dictionnaire, ils donnent un uromastique. Qui connaît ça en français, subhanallah, hein? C'est, hein? C'est un genre de lézard. Naam. Vous y entrerez. C'est-à-dire que même s'ils rentrent dans ce petit trou-là, toi tu vas y rentrer. Tel point. Regardez, c'est pour montrer Annie, à tel point, à quel point on va aller sur eux. Vous le voyez. Vous le voyez, vous le voyez. Comme des musulmans, ils leurs cheveux, leurs coupes, c'est ridicule, subhanallah. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le kuffar le font, ils le font. Soupe, tout simplement. Hein? La tatabi'anna, regardez, là-dedans, il y a un miracle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un signe de sa prophétie. Un signe de sa prophétie, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, as-sadiq al-masduq. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? La tatabi'anna, tawkid, nun, tawkid al-mushaddada, comme on dit en arabe. La tatabi'anna sanana man kana qablakum hadhu al-qudha bil-qudha. Hein? Et je crois qu'il a dit aussi Shibran bi Shibr. Hein? Dira'an bi dira'. Dans la version que j'ai rapportée ici, c'est Shibran bi Shibr. Dira'an bi dira'. Hatta lo dakhalu hujra dabbin la dakhaltumu. Hujra dabbin la dakhaltumu. Faire attention et quoi, de ne pas suivre. Hein? Regardez, on a rapporté. C'est qui qu'on doit suivre? Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sahaba. Pourquoi sahaba? Parce qu'ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je vous croyais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sahaba, ils ont juste rapporté les hadiths, juste les textes. Hein? Après, on fait hein, comme les soufis, on les lit juste pour le baraka. Non. Sahaba, ils ont non seulement rapporté les textes, mais ils ont rapporté quoi? La barakallahu fik sharhan, barakallahu fikuma, la compréhension de ces textes. Pourquoi? Parce qu'ils ont été les témoins de la révélation. Hein? Ils ont pris la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont vu appliquer, ils ont su pourquoi elle a été dite, etc. Hein? C'était les plus connaisseurs de la religion après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on revient à la synthèse. Ma yustafadu mina al-hadith. Et je crois que ça va être juste pour le 3e hadith, le 11e hadith aujourd'hui, mais alhamdoulilah. Le but, ce n'est pas d'aller vite, c'est de bien faire les choses, incha'Allah. Donc, les enseignements tirés du hadith. Hein? مشروعيه النصيحه والوعظ للمسلمين وان يكون ذلك تخولا كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. Je pense que c'est bien comme ça des fois de ces choses importantes des hadiths du prophète sallam, des choses qui demandent d'être posées, de faire acte comme on dit, d'aller doucement. C'est la parole du prophète sallam qui a été dite il y a autant d'années, et on voit subhanallah les conséquences du non suivi des conseils du prophète sallam, hein, et de la situation dramatique des musulmans aujourd'hui. D'accord? Comme salam wa rahmatullah. Donc qu'est-ce que nous dit le cheikh ici? Il dit le fait que le conseil est légiféré et le rappel des croyants également. Et ça, on a un grand manque dans la nasiha. Non seulement on a un grand manque dans la nasiha, mais on a un grand manque dans l'acceptation de la nasiha. Nasiha, une magnifique parole de Cheikh Al-Albani rahmatullah alayh. C'est rapporté dans Silsila Houda al-Nour, dans ses cassettes. Hein? Et quelqu'un, il demande à des frères, il demande qui sait me dire quel est le prix, hein, de l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors les frères commencent à donner ceci, cela. Cheikh, il dit non. Il y en a un, il dit après, il dit Wal asr, inna l'insana la fi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Cheikh Al-Albani dit hadihiya. C'est ça le prix. An-nasiha ya akhi. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hein? Donc si t'aimes quelqu'un, fais-lui nasiha. Et comme l'a dit Cheikh Obid, qu'elle a défini c'est quoi an-nasiha min an-nasih wa huwa iradatu al-khair lil-ghayr. Le fait de vouloir le bien pour autrui. Deuxième point. Al-amru bi taqwa Allah fi al-maw'izah. Le fait d'ordonner de craindre Allah dans le sermon, dans le mu'aïda. J'ai traduit sermon de manière très courte ici. Hein? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi le mu'aïda? Qui s'est me rapporté? Là, ça doit aller directement, comme ça. Tac, définition. Le mu'aïda. Al-tadhkiru billah. Il faut rappeler Allah. Wa al-tikhwifu min azabihi wa ghadabihi. Lui, dans l'ordre, Cheikh, il a dit exactement. من غضبه وعذابه مثلا مش سي با بروبليم داكور troisième point peut-être avant l'adhan inchallah et après l'adhan on continuera pour finir juste parce qu'il reste quelques lignes inchallah في الحديث عالم من اعلام النبوه حيث وقع الخلاف في الامه كما اخبر سكي يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم c'est ce que je venais de dire tout à l'heure l'interdiction il y a dans ce hadith un signe parmi les signes de la prophétie. Quel est ce signe? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. On termine, Inch'Allah. Hein, et n'oublie pas, j'ai amené du thé pour les frères qui veulent, Inch'Allah, après, qu'on ait le temps de le boire, Inch'Allah. وفيه الزجر عن الاختلاف في أصول الدين وفروعه. Il y a donc l'interdiction, hein, de diverger dans les fondements de la religion ou dans ce qui découle des fondements. Hein? Pas dire comme certains disent, non, la divergence c'est une miséricorde. Rahma. Hein, Charles Albani, il a fait une bonne réfutation là-dessus dans son livre, quoi? C'est Fat Salah, la description de la prière du prophète, dans l'introduction, il expliquait que, hein, vous ne connaissez pas, l'Ikhtilaf Rahma. Hein? Il a dit que c'est même pas un hadith, parce que les gens disent que c'est un hadith. Il dit qu'il n'y a même pas, c'est même pas qu'il daif, il n'y a même pas de chaîne de transmission, ça n'existe pas. C'est même pas un hadith, c'est une parole des gens, c'est tout. Il a rapporté une belle parole d'un salaf, et si je me souviens, c'est Suyuti. Hein? Si je me souviens bien, c'est Suyuti. Donc revenez, Inch'Allah, à ça. C'est important. Hein? Parce que les gens disent ça. Ikhtilaf Rahma. Ils disent non seulement il n'y a pas de chaîne de transmission, mais en plus ça va à l'encontre de tous les textes coraniques et tous les hadiths. Le fait, donc on a dit ça, hein, donc cinquième point. وفيه الرجوع إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. Il y a donc dans ce hadith, comme cinquième point, الفائدة الخامسة, le fait de revenir à la voie du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم et de ses califes bien guidés. Dans quoi on voit ça ? Eh bien dans عليكم بالسنة والسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد. نواجد c'est quoi le نواجد ? C'est les mots, hein? C'est les prémoleurs, non? Hein? C'est pourquoi, est-ce qu'on, quand on tient avec l'avant des dents, c'est comme quand on tient avec l'arrière, hein? Ça, c'est pour montrer à quel point on doit s'accrocher, en fait. Regardez les mots dans la sunna, chaque chose est posée, chaque chose a son poids. Hein? وفيه الزجر عن البدع والتحذير منها. Il y a l'interdiction d'innover et le fait de mettre en garde contre les innovations. Donc non seulement tu ne les fais pas, mais en plus tu mets en garde. Et pas dire, non, mais allez, je laisse les gens faire, il ne faut pas diviser la communauté. Subhanallah. الفائدة السابعة, septième point. وفيه أن كل بدعة ضلالة وليس فيها حسنة. D'où on prend ça? D'où on prend ça, du hadith ici? Hein? Le fait que toute innovation est un égarement et qu'il n'y en a pas de bonne. Comme certains disent, non, il y a le bid'a tanqasim ila qismin hasana wa sayyi'a wa sayyi'a. Hada taqsim batil. Hein? Quand on parle de bid'a ici, on parle de bid'a fi din, comme on a dit ihdath wa amrin fi din. On avait dit ça tout à l'heure. Comme ça, dans kul na'am tufid al-umum. Kul, hein, ça a valeur de d'englober la chose, d'être générique, d'être général, c'est-à-dire tout kul. Le professeur n'a pas dit non, il y en a comme ça, il y en a comme ça, il a dit kul. Hein? Toutes. Sont toutes. D'accord ? Toutes les innovations sont un égarement. Et toutes les innovations sont en enfer. Et tous les égarements sont en enfer. Hein? Il n'a pas dit non, il y en a qui sont bonnes, il y en a qui ne sont pas bonnes. Hein? Juste avec ce hadith-là, vous êtes capable de réfuter pour tous ceux qui font, arhamakallah, qui font des sous-divisions dans les bid'a. Et avec ça, on a terminé pour le dixième hadith. On a fini le neuvième hadith. On a fini le dixième hadith, Inch'Allah. Donc ce qui veut dire qu'on est arrivé aujourd'hui à la moitié du livre quasiment, puisque le livre fait 21 hadiths. Je pense que ça doit être notre 8e assise. 8e assise, ça veut dire 2 mois déjà, machallah, qu'on a commencé. Et je vois que, inshallah, alhamdulillah, les frères, ils sont toujours accrochés. Alhamdulillah, ils notent, machallah, c'est bien. Et je voudrais, pour conclure, inshallah, s'il vous plaît, que quand il y a des rappels comme ça, inshallah, et ça, moi, je me vise à moi en premier, qu'on ne soit pas ni des cadavres, hein, ni que ça doit nous toucher, il faut ouvrir notre cœur. Inna fi dhalika la dhikra. لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. On avait rapporté la parole d'Ibn Qayyim. Il avait dit, il y a le mu'athir, ce qui fait la nasiha, et il y a le makan, le qabil. Hein, c'est quoi? C'est le cœur qui accepte. Et le cœur, il faut que ça soit prêt à accepter. Il faut que ça, on ne soit pas les mêmes après. Comme les sahaba, ils ont dit ici, ils ont dit, hein, وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. Mettez-vous à leur place. Les larmes ont coulé. Combien de fois on laisse couler nos larmes? On devrait avoir honte sur nous-mêmes. Hein? Inch'Allah, c'est intéressant de s'asseoir avec les frères qui sont revenus de l'Umra là actuellement, parce qu'ils sont revenus avec du frère, machallah, ils ont rencontré des frères, machallah, qui ne perdent pas leur temps, qui connaissent le wasitiya, qui connaissent le kitab al-tawhid, qui connaissent beaucoup de livres et qui ne perdent pas leur temps. Chaque moment de la journée, c'est sur l'ilm. Hein? D'accord? Inch'Allah, on doit travailler notre din, on doit essayer, Inch'Allah, qu'on ne soit pas les mêmes après chaque cours. Surtout qu'il y a une semaine entre chaque cours. Ça peut être long, hein? Inch'Allah, on va conclure là-dessus et je vais. Le frère Zallah Khair m'a rappelé pour la sœur qui voulait que je rappelle le hadith sur la douceur de la foi. Je pense qu'elle a voulu que je le rapporte en français surtout. C'est le 9e, dans le 9e. C'est dans le 9e ou pas? قال نبي حديث ستة حديث أنس المتفق عليه ثلاث من كن فيه وجد به حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Donc ce qu'on avait dit c'était là qu'on avait tiré les trois points, non? Il ne goûtera la foi. Donc je répète en français. Hein. Trois choses plutôt. Trois choses. Lorsqu'elles sont en une personne, elles goûtent par cela la foi. Trois choses. Lorsqu'elles sont en une personne, elles goûtent par cela la foi. Qu'Allah et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam soient plus aimés par lui que toute autre chose. Qu'il n'aime un individu que pour Allah. Donc le premier c'était quoi? Qu'on aime Allah et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam plus que toute autre chose. Deuxième chose, qu'il n'aime un individu que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième, qu'il déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il déteste qu'il soit jeté en enfer. Donc premier, qu'Allah et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam soient plus aimés par lui que toute autre chose. Deuxième, qu'il n'aime un individu que pour Allah. La yuhibbuhu illa lillah. Troisième, qu'il déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il déteste qu'il soit jeté en enfer. J'espère que j'ai répondu à la question de la sœur. Wa subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.